إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours 79 dans l'explication du kitab al-tawhid et on a terminé باب ما جاء في السحر. Et là maintenant on commence le chapitre numéro 25. Ce chapitre c'est Babun Bayanu Shay'in min anwa'i as-sihr, c'est-à-dire un chapitre qui clarifie quelque chose au sujet des catégories de sorcellerie, catégories de sihr. Le Cheikh il dit, Cheikh Al-Fawzan il dit, munasabatu hadha al-bab ba'da al-bab alladhi qablahu zahira. لأنه في هذا في لأنه في الباب الذي قبله بين ما جاء من الأدلة في الكتاب والسنة وفي كتاب الله وسنة رسوله في حكم السحر وحكم الساحر وحكم الساحر فتطلعت الأنظار إلى أن يعرف الناس ما هو السحر وما هي أنواعه حتى يتجنبوه ومن ثم يتعين على العلماء وطلبة العلم أن يبينوا للناس الحق والباطل وأن يبينوا للناس الحق وأدلته وأن يبينوا للناس الباطل وأدلته وأنواعه ومن أجل أن يأخذوا بالحق الذي من أجل أن يأخذوا بالحق على بصيرة وأن يتركوا الباطل على بصيرة وإلا فإنه إذا لم يبين الحق والباطل التبس على الناس وظنوا الحق باطلا والباطل حقا ومن هنا يتعين على الدعاة وعلى الخطباء في المساجد وعلى المدرسين أن يعتنوا بهذا الأمر وأن يبينوا للناس أمور عقيدتهم وأمور دينهم ومما حمل المصنف أيضا بحمد الله على عقد هذا الباب أن هناك خوارق تجري على أيدي بعض الناس خارجة عن الأسباب المعروفة مثل المشي على الماء والطيران في الهواء والإخبار عن الأشياء الغائبة وإحضار الشيء البعيد وهذه الخوارق إن جرت على أيدي الصالحين فهي كرامات من الله سبحانه وتعالى والكرامات ثابتة عند أهل السنة والجماعة تجري على أيدي الصالحين إكراما لهم من الله سبحانه وقد تجري على أيدي الكفرة والفساق والمنافقين فتكون هذه الخوارق شيطانية يفتنون بها الناس ويلبسون بها على الناس وهي إما سحر وإما بسبب استخدام هؤلاء الفساق للشياطين فيخدمهم الشياطين بهذه الأمور التي ليست من مقدور بني آدم وإنما أن لها أسبابا لم تظهر للناس من حيل يعملونها. Donc le cheikh il explique que la raison pourquoi on a placé, ou le cheikh Mohamed Abdul Wahab a placé ce chapitre ici après celui qui parle de la magie, bien c'est très apparent, en fait c'est évident, c'est parce que maintenant qu'on a connu ce qui a été ramené de preuves du Coran et de la Sunna au sujet du verdict de l'islam, au sujet des sorciers et de la sorcellerie, maintenant, on a besoin de savoir, en fait, qu'est-ce que c'est la sihr, qu'est-ce que c'est la sorcellerie et la magie, et quelles sont ces catégories pour qu'on puisse les éviter et s'en écarter. Donc, il dit à partir de ce moment-là, une fois qu'on a compris ça, c'est important pour tous les ulama et pour tous les étudiants de ilm qui étudient la charia et l'islam, de clarifier pour les hommes la vérité et le faux, et de clarifier pour les gens la vérité avec ses preuves, avec les preuves des textes, et de clarifier pour les gens qu'est-ce qui est faux, et qu'est-ce qui est erroné, et de montrer les preuves de sa posté et ses catégories et ses manifestations. Donc à cause de ça, c'est pour montrer aux gens en fait que lorsqu'ils vont prendre la vérité et lorsqu'ils vont s'accrocher à la vérité, ils vont s'accrocher à la vérité avec connaissance et avec preuve, et lorsqu'ils vont s'écarter de l'égarement et de la fausseté, eh ben ils vont s'écarter aussi de la fausseté avec connaissance et avec compréhension aussi. Donc sinon, si on fait pas ça, si on clarifie pas ces choses-là, qu'est-ce qui risque d'arriver? C'est que les gens ne sont pas capables par la suite de distinguer entre qu'est-ce qui est vrai et faux, et donc ils mélangent entre les deux, et la vérité devient pour eux le faux, et le faux devient pour eux la vérité. Et donc c'est obligatoire donc à ceux qui appellent à Allah subhanahu wa ta'ala et aux khutaba dans les mosquées lorsqu'ils font les discours le vendredi, et ceux qui enseignent l'islam, ils doivent se concentrer sur ce sujet-là et de clarifier pour les gens les choses qui ont rapport avec leurs croyances et les choses qui ont rapport avec leur religion. Et c'est ce qui a amené l'auteur, le cheikh qui a écrit le livre, Cheikh Mohammed Abdul Wahhab, rahimahullah, par la gloire d'Allah subhanahu wa ta'ala, à composer ou à mettre ensemble ce chapitre qui suit celui de la magie. Et la raison de ça, c'est pourquoi, c'est parce que il y a souvent certaines choses qui se produisent qui sont, disons, parfois surnaturelles ou en dehors des limites de qu'est-ce qu'on a l'habitude de voir, qui se produisent de la part de certains individus. Et certaines personnes peuvent penser que ça c'est un signe, par exemple, que la personne est en train de faire des miracles ou qu'elle est une personne sainte ou des choses de ce genre. Comme par exemple, on voit des gens qui marchent sur l'eau ou parfois qui volent dans les airs ou qui sont soulevés dans les airs ou qui informent les gens au sujet de choses cachées ou inconnues. Et on voit parfois aussi qu'ils informent les gens ou ils font ramener des choses qui sont très très loin. Donc certaines personnes sont susceptibles de se laisser tromper par des gens qui font des choses comme ça quand ils voient ces choses-là se produire. Et le chef dit que ces choses-là qui sont des choses inhabituelles, si ça se produit de la part des hommes qui sont pieux et qui obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce cas-là, on va dire que ce sont des miracles que Allah subhanahu wa ta'ala leur permet de faire, d'accord, des karamat comme on appelle. Et ça, c'est confirmé par le Coran et par la Sunna. Et Allah subhanahu wa ta'ala permet à ces choses-là de se produire de la part des hommes pieux pour comme une sorte d'honneur, comme si Allah subhanahu wa ta'ala permet qu'ils sont capables de faire certaines de ces choses-là pour les honorer, aussi ça peut se produire de la part des kuffars et des gens qui font des péchés ou des munafiqines, et dans ce cas-là c'est des ruses du shaitan et c'est les diables qui en fait qui les aident à faire ça pour égarer les gens et éprouver les gens dans leur religion et pour les confondre et les mélanger dans les questions religieuses. Et soit que ces gens-là sont en train de faire ces trucs-là en utilisant la sorcellerie, ou bien parce qu'ils utilisent l'aide des djinns et des diables pour faire ces trucs-là, et donc ils utilisent les shayatins, les diables, les djinns, parce que les djinns leur aident à faire des choses qui ne sont pas dans la capacité humaine de faire, ou bien que ce sont des trucs qu'ils font qui ont des causes cachées et mystérieuses, ou bien c'est-à-dire ils utilisent des ruses qui sont cachées et ils trompent les gens par ces ruses-là parce que les gens ne comprennent pas comment ça fonctionne. Donc ça c'est qu'est-ce qu'on a lu jusqu'à maintenant. Le chef il dit ensuite: فمن أجل التباس الحق بالباطل في هذه الخوارق أراد الشيخ أن يعقد هذا الباب ليبين أن هذه الخوارق من السحر وليست من الكرامات فيجب أن نعرف هذا الباب والفرق بين الكرامات وخوارق الشيطان لئلا يلتبس الأمر ولئلا يتخذ المخرفون والمنحرفون الخوارق الشيطانية دليلا على الولاية لله عز وجل فيعبدون هؤلاء من دون الله عز وجل. Donc le cheikh il dit que يعني le cheikh a voulu faire ce chapitre là justement parce qu'il y a des gens qui pourraient essayer de mélanger la vérité et le faux, de couvrir la vérité par le faux au sujet de ces genres de magie là qui peuvent paraître comme des miracles. Et donc c'est important de, et c'est obligatoire même de connaître la différence entre les karamat qui sont faits de la part des hommes qui sont des hommes pieux et qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala et les ruses et les trucs que les shayatines font pour égarer les gens et pour mélanger les choses. Donc, pour pas que c'est des gens déviés, yani qui utilisent l'aide des diables puissent utiliser leurs ruses ou leurs trucs comme des signes ou des preuves de leur proximité à Allah subhanahu wa ta'ala, et pour appeler les, pour pas qu'ils puissent utiliser ça comme un argument pour appeler les hommes à les adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a des gens qui utilisent des ruses comme ça, puis souvent, je me souviens même en Haïti, une fois il y a un homme qui m'avait raconté que il y avait un prêtre voodoo qui était dans des villages très éloignés, puis les gens là-bas ils connaissent pas tellement, mais ça fait longtemps, mais les gens connaissaient pas les moyens techniques et tout ça, donc ils avaient caché des haut-parleurs en dessous de la terre, puis ils parlaient dans des trucs là, puis les paysans pensaient vraiment que c'était des voix qui sortaient de la terre, et donc ils les contrôlaient par ces méthodes-là. Donc ça c'est des genres de ruses que ces diables-là utilisent pour contrôler les gens et leur faire faire des choses et leur faire croire qu'ils ont des pouvoirs, qu'ils peuvent parler avec des êtres, et des choses comme ça. Des fois c'est des ruses, puis des fois c'est réellement qu'ils utilisent l'aide des shayatins directement. Alhamdulillah. Ça c'est grave, ça c'est comme la mafia, hein. Ils viennent et tout. Ouais. Que rien faire. C'est grave ça. C'est comme la mafia quand ils vont voir des gens, ils leur disent soit tu nous donnes 10% ou je sais pas combien, 10% c'est pas beaucoup, mais peut-être ils demandent plus, ils disent sinon on casse ton magasin ou des trucs comme ça. Et eux c'est pire, ils vont voir les gens, ils disent si tu nous donnes pas de l'argent, on détruit ton mariage avec du sihr. Donc ça c'est l'exemple de ces shayatines. Non, ça c'est exagéré, subhanallah. Non, c'est vrai. Maintenant, ça devient exagéré, ça. Les gens qui vendent de l'eau pour le ruqya et tout ça, ils vendent ça, ils font du business avec ça. A'udhu billah. Donc, ça c'est comme l'introduction du cheikh à ce sujet. Après, le cheikh, il mentionne le premier hadith, qala Ahmad, haddathana Muhammad ibn Ja'far, haddathana Awf, haddathana حيان بن العلا حدثنا قطن ابن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العفاية إن العياسة والطرق والطرق إن العياسة والطرق والطيرة من الجبت. وقال أوف العياسة زجر الطير والطرق الخط يخط بالأرض والجبت قال الحسن رنة الشيطان إسناده جيد. أوكي premièrement ce hadith il est ضعيف, il n'est pas authentique, ça c'est juste pour que vous sachiez. Et puis de toute façon il y a d'autres hadiths qui sont صحيح qui vont suivre. C'est un hadith qui contient des termes et on va les expliquer au fur et à mesure de l'explication du cheikh, ça va être plus simple. الشيخ الزي قوله قال أحمد حدثنا محمد ابن جعفر المراد غندر وحدثنا عوف وهو عوف بن أبي جميلة المسمى بعوف الأعرابي إمام ثقة مشهور حدثنا حيان بن العلا حيان بالياء المثنى ابن العلا بصري مقبول حدثنا قطن ابن قبيصة قطن ابن قبيصة تابعي بصري ثقة عن أبيه قبيصة ابن المخارق الهلالي صحابي مشهور أنه سمع قبيصة رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت donc le chef explique qui sont les personnes dans l'isnad et dans la chaîne des narrateurs de ce hadith et il dit Ahmed bon Ahmed c'est l'imam Ahmed il dit que nous a mentionné ou nous a rapporté Mohammed ibn Ja'far et c'est son nom c'est Rundur et nous a rapporté Auf et Auf c'est Auf ibn Abi Jamila qu'on appelle Al-Arabi et il dit que c'est un imam, il est thiqa et il est connu et Hayyan ibn al-Ala c'est ibn al-Ala al-Basri, il est maqboul et Qatn ibn Qabisa c'est un tabi'i qui est très célèbre et il est fiable aussi thiqa et selon son père Qabisa ibn Mukhariq al-Hilali c'est un sahabi très connu أنه تدرك قبيصة للصحابي أعطاني البروفيسور صلى الله عليه وسلم ذلك سباه الله إلى ذلك العيافة هي الطرق هي الطيرة هم تحتي دسكي الجبت donc qu'est-ce que ça veut dire ces termes-là العيافة الطرق هي الطيرة on va les expliquer un par un le شيخ يزيها تفسير هذه الألفاظ مروي عن عوف وهو عوف بن أبي جميلة المسمى بعوف الأعرابي أحد رواة هذا الحديث والعيافة زجر الطير معناه التشاؤم بأصواتها وأسمائها ومسارها donc العيافة il a été expliqué ce terme-là a été expliqué par un des narrateurs du hadith qui s'appelle عوف et lui il a dit que العيافة زجر الطير العيافة ça veut dire quoi ça veut dire de sentir un mauvais présage à partir des oiseaux, soit par leur chant, ou par leur nom, ou par leur direction. Donc al-ayafa c'est ça. Al-tarq c'est al-khat yukhattu fil ard min ajli istitla' al-umur al-ghaiba wa hiya tariqatun jahiliya وهم لا يعلمون بها الغيب بذاتها وإنما الشياطين هي التي تأتي لهم بما يريدون إذا تقربوا إليهم بالعبادة وكفروا بالله عز وجل لأن الشياطين تريد إضلال بني آدم مهما استطاعت لشيخ ذيك الطرق c'est quoi c'est des lignes que des gens tracent sur le sol pour essayer de soi-disant avoir des informations sur les choses inconnues. Et il explique que c'est une méthode que les gens utilisaient dans la Jahiliya et ils n'arrivent pas à connaître directement l'invisible par cette méthode-là. Toutefois, ce sont les diables en fait, ce sont les diables qui leur amènent ce qu'ils veulent comme information et en échange, ils leur offrent certaines formes d'adoration et ils rejettent la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et les shayatines, donc, ils les aident parce qu'ils veulent en retour égarer les hommes, bien entendu, de toutes les façons possibles. قوله وقال الحسن ça c'est l'autre explication par la suite. قال الحسن رنة الشيطان فسي الجبت الجبت رنة الشيطان قوله قال الحسن وهو الحسن البصري إمام تابعي الحسن البصري c'est un des élèves parmi les élèves des sahaba qui est très célèbre et c'est un des plus graves parmi les tabi'in Ah, Mohamed Amin arrive. Et Al-Jibt, il a dit Rannatu Shaytan, ay Sautu Shaytan. Sautu Shaytan yashmilu ashiya kathira, minha al-aghani wal-mazamir. Wa qala ta'ala, wastafziz man istata'ta minhum bisautik. Sautu Shaytan, kullu kalamun ba'til. وكل كلام كفر أو شرك، فهذا فيه بيان الشيء من أنواع السحر، فالعياف نوع من أنواع السحر، والطرق نوع من أنواع السحر، والطيرة نوع من أنواع السحر، كلها من أنواع السحر، لأنها من الجبت، والجبت السحر كما سبق. فالسحر إذا كلمة عامة تجمع شرورا كثيرة إما قولية وإما عملية. الشيخ يزيد donc la parole de Al-Hassan Al-Basri رنة الشيطان à propos du jibt. Il dit que رنة الشيطان ça veut dire c'est la voix du شيطان. Donc Al-Jibt, il dit que c'est la voix du شيطان. Et la voix du شيطان ça comprend beaucoup de choses, c'est-à-dire comme la musique et les flûtes. Les trucs de musique comme ça. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 64 dans sourate Al-Isra, il dit wastafziz man istata'ta minhum bisawtik, c'est-à-dire excite ceux que tu es capable d'exciter par ta voix. Et la voix du shaitan, c'est comme on a dit, ça peut être la musique et les trucs de ce genre par lesquels le shaitan arrive à exciter les gens et à les égarer, et également ça peut être toute mauvaise parole ou parole fausse ou des paroles de kufr ou des paroles de shirk. Et donc toutes ces catégories là qu'on a mentionnées font partie des catégories de sihr. Par exemple al-iyafa, al-tarq et al-tiyara sont toutes des catégories de sihr, et parce qu'elles sont toutes elles font toutes partie du jibt. Et al-jibt, comme on a dit dans les cours passés, c'est al-sihr. Ok? Et al-sihr, c'est une parole générale qui réunit toutes les choses négatives et mauvaises. Ok? Soit que ce sont des paroles ou des actions. Sihr, ça comprend des paroles et ça comprend aussi des actions. Après, il dit, ثم أوي ثم قال المصنف رحمه الله إسناده جيد، أي إسناد الإمام أحمد جيد، لأن رواته ليس فيهم أحد مجروح. Il dit que à la fin du hadith il a dit c'est une chaîne de narrateur qui est bonne. Toutefois après vérification il y a certains narrateurs dans l'isnad. Quand j'ai lu la vérification, il y a des doutes au sujet d'un des narrateurs, au sujet de son identité. Et donc, en conclusion, le hadith avait été déclaré daif. Ok? Donc, à ce sujet-là, ce hadith-là, il est daif. Après, le cheikh explique l'autre hadith qui est mentionné, Wali Abi Daoud, Wal Nasa'i, Ibn Hibban, Fi Sahih Al-Musnad Minhu, An Ibn Abbasin, رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس من السحر زاد ما زاد رواه أبو داود بإسناده صحيح. إذا استحديث صحيح effectivement et il est rapporté selon Abu Daoud et Ibn Hibban et Al-Nasa'i. Et le cheikh explique qui sont ces personnages, qui sont ces savants. الشيخ يقول وروى أبو داود والنسائي وابن حبان، أي ورووا أصل الحديث دون التفسير المذكور الذي ذكره عوف. صدق سحديث لا إلى تها بقتي également par أبو داود النسائي ابن حبان dans leur صحيح sans le tafsir. Ensuite il y a le hadith rapporté selon Ibn Abbas qui est rapporté selon Abu Daoud. Et l'isnad est sahih, comme j'ai dit, que celui qui prend une branche de qu'est-ce qui a rapport avec l'astrologie, alors c'est comme s'il a pris une branche du sihr. et plus il en fait, et plus ça augmente. C'est-à-dire plus qu'il en prend, plus il a une portion plus grande de qu'est-ce qui a rapport avec As-Sihr. Et donc, comme on a dit, c'est un hadith sahih. Premièrement, le cheikh qui dit Abu Dawood, هو الإمام المشهور سليمان بن الأشعث صاحب السنن المشهورة وبسنن أبي داود وهي إحدى السنن الأربع والنسائي هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي الإمام الجليل صاحب السنن الكبرى وإحدى السنن الأربع وابن حبان في صحيحه وابن حبان هو أبو حاتم محمد بن حبان البستي صاحب الصحيح المسمى بصحيح ابن حبان وقال و اوكي دونك كومون اكسبليكي ici il dit qu'Abu Daoud son nom c'est un imam très célèbre son nom c'est Sulayman ibn al-Ash'ath OK et c'est lui qui a écrit que le livre qu'on connaît par le nom de Sunan Abi Daoud d'accord c'est un des quatre Sunan très connus ensuite, Sunan al-Nasa'i. Sunan al-Nasa'i, l'imam al-Nasa'i, son nom au complet, c'est Abu Abdurrahman Ahmad ibn Shu'aib al-Nasa'i. Et c'est un des grands imams aussi de hadith. Et son livre s'appelle As-Sunan al-Kubra. Et c'est un des grands Sunan également. Et il y a aussi Sunan ibn Majah, et aussi ça fait partie des grands Sunan. Et ici il mentionne Ibn Hibban, et il a un livre qui s'appelle Sahih Ibn Hibban, c'est par ce nom-là qu'on le connaît. Son nom c'est Abu Hatim Muhammad Ibn Hibban Al-Busti. Ok. Et il dit ensuite, il explique maintenant le hadith. Il dit, قال, وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, من اقتبس شعبة من النجوم, فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد رواه أبو داود وإسناده صحيح قوله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من السحر وعليكم السلام محمد نعم من اقتبس شعبة من السحر وعليكم السلام وفيه. نعم donc le cheikh il dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد رواه أبو داود وإسناده صحيح قوله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة يعني تعلم والشعبة الطائفة أو القطعة ومن النجوم يعني من علم التنجيم والتنجيم هو والتنجيم معناه اعتقاد أن النجوم تؤثر في الكون كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هو نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية ولا تزال آثار هذه الخصلة الجاهلية في عصرنا الحاضر فيما يظهر عند المنجمين والذين يذهبون إليهم بما يكتب في بعض الصحف والمجلات من أحوال البروج لأن نسبة هذه الأمور إليها في طلوعها أو غروبها أو إلى الأفلاك في تحركها شرك بالله عز وجل لأن الذي يدبر النجوم ويدبر الأفلاك ويدبر الكون كله هو الله سبحانه وتعالى فيجب أن نؤمن بذلك أما النجوم وأما الأفلاك وأما جميع المخلوقات فليس لها تدبير وليس لها إحداث شيء أو جلب نفع أو نفع ضر وإنما بإذن الله وإن بإذن الله فالأمر يرجع كله إلى الله فيجب على المسلم أن يعتمد على الله وأن يتوكل على الله ولا يتأثر بما يقوله المنجمون والفلكيون أوكي الشيخ يكسليك في dans ce hadith celui qui prend une portion de qu'est-ce qui a rapport avec l'astrologie ça veut dire qui apprend ou qui étudie l'astrologie c'est quoi c'est quelqu'un qui soi-disant étudie les astres les constellations pour essayer de savoir l'avenir d'une personne en croyant que les constellations ont un effet sur qu'est-ce qui se produit sur la terre et sur la vie des hommes. D'accord? Donc, le cheikh explique ça, puis il dit que le mot shurba, ça veut dire une partie, ou ça veut dire aussi un groupe. Et quand il dit al-nujum, il parle de la science ou qu'est-ce qui a rapport avec l'astrologie. Et il faut faire une distinction entre l'astrologie et l'astronomie, parce que les deux c'est pas la même chose. L'astronomie c'est l'étude des astres et tout ça, dans le but de comprendre qu'est-ce qui a rapport avec l'étude scientifique des étoiles. Puis l'astrologie c'est qu'est-ce qu'on appelle, yani le truc que les astrologues utilisent pour essayer de connaître l'avenir et des trucs comme ça. L'horoscope, oui c'est ça, l'horoscope. Donc ça c'est de ce dont on parle maintenant. Et le cheikh, il dit donc que cheikh l'islam Ibn Taymiyyah, il dit que l'astrologie c'est, les trucs d'horoscope qu'on a mentionné, c'est d'attribuer les événements terrestres aux déplacements ou aux états des constellations et des étoiles. Tu vois, tu attribues tout ce qui se produit dans l'univers, en particulier sur la Terre, tu l'attribues aux étoiles, au déplacement des étoiles. Et ça, c'est quelque chose de faux, yani, de faire ça. Et le cheikh nous dit que cette chose-là, ça fait partie de la jahiliya, des choses que les gens faisaient dans la jahiliya avant l'islam. Et jusqu'à notre époque actuelle, où les gens pensent qu'ils sont tellement avancés et évolués sur le niveau des sciences et que ils ont dépassé l'époque ou l'âge de la superstition, et ben ils continuent quand même, jusqu'à aujourd'hui on voit toujours des astrologues, des gens qui lisent l'horoscope et des trucs comme ça, même dans les magazines et dans les journaux, on trouve des pages où on révèle, où on dit par exemple aux gens selon leur signe zodiac et des trucs comme ça, qu'est-ce qui va leur arriver soi-disant, tel ou tel jour, dans telle journée ou tel moment de la journée, et est-ce qu'ils vont avoir du bonheur, est-ce qu'ils vont pas avoir du bonheur, est-ce qu'ils vont avoir du succès ou des choses de ce genre. Donc on voit que beaucoup de gens consultent ces choses-là, même s'ils n'y croient pas toujours, mais ils le consultent quand même, et il y en a qui y croient vraiment encore aujourd'hui. Et le cheikh il dit, en ce qui concerne ces choses-là, on voit qu'il se base sur l'astrologie pour essayer de dire aux gens qu'est-ce qui va se passer, comme si les constellations avaient un effet sur qu'est-ce qui se passe sur la Terre. Le fait que telle constellation se lève et telle constellation se couche, ou telle planète, ou telle planète se lève ou bouge ou fait telle chose, et ça c'est du shirk. Ça, de croire ça, c'est du shirk, parce que les étoiles sont contrôlées uniquement par Allah subhanahu wa ta'ala, et les constellations sont contrôlées par Allah subhanahu wa ta'ala. Les étoiles en elles-mêmes, à elles-mêmes, n'ont aucun pouvoir et n'ont aucun effet sur les autres, parce que tout ce qu'elles ont, elles ne peuvent même pas se mouvoir ou rien faire d'elles-mêmes. Tout ce qu'elles font, c'est parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les contrôle et qui les fait bouger et tout. Donc, elles n'ont pas d'effet en elles-mêmes. Et donc, tout est sous le contrôle d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on doit attribuer toutes les choses qui se produisent dans l'univers, et non pas aux étoiles, parce que des étoiles c'est quoi? C'est des morceaux de matière qui flottent dans l'espace et qui n'ont aucune volonté, aucune connaissance de ce qui se passe ailleurs, et aucun pouvoir en soi, yani, de faire quoi que ce soit. Donc d'attribuer à cette matière inerte des attributs ou des qualités de volonté ou autre, ça c'est d'attribuer des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, et donc ça rentre dans le shirk à ce sujet-là. Et un musulman, il est ordonné de croire que c'est Allah seul qui contrôle l'univers. Hein, et en ce qui concerne les étoiles et les constellations et les planètes, eh ben elles sont toutes contrôlées par Allah. Et elles ne créent rien. Elles n'ont pas, les étoiles ne créent rien. Et elles ne peuvent pas profiter ni nuire à personne, excepté par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est obligatoire pour le musulman de mettre sa confiance à Allah subhanahu wa ta'ala et de dépendre sur Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas se laisser influencer par les paroles et ce que vont dire les astrologues et les gens qui écrivent l'horoscope. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, celui qui va avoir un kahin, hein, quelqu'un qui va lui révéler l'avenir, ou un arif, hein, et qu'il croit en ce qu'il dit, alors il a rejeté la foi en Muhammad, en ce qui a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est grave. Et s'il n'a pas cru en ce qu'il a dit, par curiosité, eh ben c'est grave aussi parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que sa prière risque de ne pas être acceptée pendant 40 jours. Donc ça veut dire que même si tu vas pas consulter le médium ou la personne qui te dit ton avenir ou des trucs comme ça, tu vas pas le voir en personne, mais tu consultes ce qu'il a écrit dans le journal ou dans le magazine, eh ben ça revient presque à la même chose. Donc il y a quand même un risque que cette menace tombe sur la personne qui consulte ce genre de choses-là. Donc il faut absolument s'écarter de ça parce que ça rentre dans la même catégorie. Après le cheikh il dit « Amma ta'allumu hisab manazil al-qamar min ajli ma'rifati mawaqit al-mawaqit al-ibadat wa mawaqit al-zira'a والبذور فلا بأس به وهذا ما يسميه العلماء بعلم التسيير أما الاعتقاد بالنجوم بأنها تؤثر في علم التأثير وهو المحرم بأنها تؤثر فهو علم التأثير وهو المحرم وقوله فقد اقتبس شعبة من السحر فهذا هو الشاهد من الحديث للباب حيث دل على أن التنجيم نوع من أنواع السحر لأن كل من المنجم والساحر يدعي علم الغيب الذي اختص الله تعالى بعلمه وقوله زاد ما زاد يعني كل ما زاد من الاقتباس زاد من السحر فمقل أو مستكثر فهذا تحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم والإنسان لا يجوز له أن يتعلم التنجيم الذي عليه المشركون لأنه السحر وشرك بالله عز وجل وادعاء لعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى والنجوم إنما خلقت لفوائد بينها الله في كتابه. OK. Le cheikh, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Il dit que d'apprendre le calcul des différentes phases de la Lune et de calculer ces choses-là dans le but de pouvoir savoir les périodes des adorations, les différents moments de l'année pour savoir quelle période de l'année nous sommes, soit pour les récoltes, pour savoir à quelle période il faut semer ou des trucs comme ça. Ça, il dit qu'il n'y a pas de problème. Et les ulama, ils appellent ça « ilm al-tasyir ». Toutefois, de croire aux étoiles et qu'elles ont un effet sur le monde, ça s'appelle, qu'est-ce qu'ils appellent « ilm al-tasyir » et ça, c'est ce qui est « haram ». Et c'est ce qu'on appelle l'astrologie. Hein, puis distinction entre astrologie et astronomie. Et le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans la suite de ce hadith, celui qui a appris ou étudié une partie de l'astrologie, il a appris une partie de la sorcellerie ou de la magie, qu'est-ce qu'on appelle sihr en arabe, eh ben, il dit que ça c'est le but pour lequel ce hadith a été mentionné dans ce chapitre, c'est pour montrer que At-Tanjim c'est une des catégories, parmi les catégories de qu'est-ce qu'on appelle sihr, ok. Pourquoi? Parce que la personne qui lit les étoiles et qui essaie de lire les constellations et tout ça, hein, elle prétend connaître l'avenir. De la même façon que, ou bien elle prétend connaître l'invisible, de la même façon que la personne qui fait de la sorcellerie prétend connaître le ilm de qu'est-ce qui est al-ghayb, de l'invisible. Et ça, c'est une chose que seul Allah possède. Après, dit wa qawluhu zada ma zad, yani kullu ma zada min al-iqtibas zada min al-sihr. Ça veut dire zada ma zad, ça veut dire plus que la personne étudie cette chose-là, plus qu'il s'enfonce dans qu'est-ce qui est qui a rapport avec la sorcellerie. Et donc ça peut être plus, ça peut être moins selon la personne. Et le cheikh il dit que c'est pas permis pour une personne d'apprendre ces choses-là, parce que ça fait partie du shirk, et ça fait partie du sihr et du shirk billah, et de prétendre connaître les connaissances de l'invisible que seul Allah connaît. Et il dit à la fin que Allah subhanahu wa ta'ala a uniquement créé les étoiles pour des buts qu'il a mentionnés dans son livre. Et qui se souvient des buts pour lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a créé les étoiles dans le Coran? Non, ça c'est une, pour la direction dans la nuit, quand on va en bateau, dans la, pour se diriger, ça c'est une raison. Aïna, rujou man les shayatin, hein, ça c'est pour lapider les shayatin, les étoiles filantes qui les poursuivent quand ils essaient de voler les informations dans le ciel. Et il y a un dernier. Ça c'est plus pour les pour la lune, mais faut qu'on aina zinatan wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Donc pour la pour enjoliver puis embellir le ciel. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a créé ça pour ces trois raisons là. Et donc inchallah, c'est vrai que c'est une zina, c'est une beauté pour le ciel, les étoiles et tout ça. Donc ça c'est les trois raisons pour lesquelles Allah a créé les étoiles. الشيخ المنصر عن سورة الأرض حديث وللنسائي من حديث أبي هريرة من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه فحديث لا يفتح عن أبي هريرة par l'imam al-Nasa'i et il est ضعيف sauf la dernière partie de ce hadith qui est صحيح. Mais les deux premières phrases sont daïf, toutefois leur signification est vraie, ok. Et le hadith dit quoi? Celui qui a fait un nœud et qui a soufflé dessus, alors il a fait du sihr. Celui qui a fait du sihr, il a fait le shirk. Et celui qui a accroché quelque chose, alors il sera laissé à cette chose. C'est-à-dire celui qui a accroché quelque chose pour comme protection sur lui-même, eh ben il sera abandonné à cette chose-là. Ou bien qui s'est accroché à quelque chose en particulier en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, il sera abandonné à cette chose-là. Et on va lire l'explication du Cheikh Fawzan à ce sujet. Cheikh il dit, قال وللنسائي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عقد عقدة هذا من عمل السحر يعقدون الخيوط ثم ينفثون فيها والنفث هو النفخ مع الريق ينفث فيها من ريقه الخبيث لأنه متكيف بالشيطان فريقه ممزوج بالخبث وتأثير الشيطان يعني وقد يضر من وجه وقد يضر من وجه إليه بإذن الله عز وجل وقد كما قال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وقد أمر الله نبيه بالاستعاذة منه في سورة الفلق قال تعالى من شر النفاثات ومن شر النفاثات في العقد النفاثات يعني السواحر والعقد هي العقد التي هي في الخيوط Le cheikh il dit que l'imam al-Nasa il a rapporté le hadith qu'on a mentionné, et au début ça dit « man aqada uqdatan », celui qui a fait un nœud, qui a noué un nœud, ça veut dire, ça c'est les actes des sorciers. C'est une des méthodes qu'ils utilisent pour faire de la sorcellerie, ils font un nœud sur une corde et puis ils soufflent dessus, en prononçant peut-être certaines paroles, et « al-naf » en arabe c'est, qu'est-ce que ça veut dire « al-naf » Al-naf, ça veut dire de souffler sur quelque chose, en fait c'est comme postillonner en même temps, hein, comme ça, yeah. Tu postillonnes sur quelque chose, bon, et ouais c'est ça, c'est, on ne crache pas vraiment mais juste un petit peu, hein, donc ça c'est la signification, et donc il dit le cheikh qu'il envoie un petit peu de sa salive, et puis il souffle sur le nœud en même temps. Et, ouais, quand on fait, ouais, c'est ça, ouais, un neuf, ou bien quand on fait le ruqya dans nos mains. Sauf que le sorcier, lui, il le fait, mais pas avec des choses de bien. C'est pour faire le mal avec le shaitan, en utilisant des formules que le shaitan, lui, inspire. Et donc, il essaie de faire de la magie de cette manière-là, et ça peut avoir un effet sur la personne contre qui c'est dirigé, par la permission d'Allah, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans surat al-Baqarah, وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, ils ne peuvent pas nuire par cette sorcellerie personne, excepté par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné à son prophète, de chercher le refuge en Allah subhanahu wa ta'ala contre cette forme de magie, hein. Dans surat al-Falaq, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَمِنْ شَرِ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ » Et النَّفَّاثَاتِ, comme on l'a expliqué au dernier chapitre, c'est les sorcières et les gens qui font de la sorcellerie, et al-Uqad, c'est les nœuds qui sont faits sur les cordes. وَقَوْلُهُ فَقَدْ سَحَرْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْعَمَلْ سِحْرِ وَقَوْلُهُ من سحر فقد أشرك, وهذا هو الشاهد من الحديث أن من أنواع الشرك عقد العقد والنفث فيه بقذف السحر, لأن الساحر لا يتوصل إلى سحره إلا بالاستعانة بالشياطين, وإذا استعان بالشياطين فقد أشرك بالله عز وجل. لشيخ الذكر dans le hadith qui est mentionné, on dit « faqad sahar », c'est-à-dire celui qui souffle sur les nœuds, il a fait du sihr. Et celui qui a fait du sihr, il a fait du shirk. Il a fait du shirk. C'est-à-dire que il a soufflé, celui qui souffle sur les nœuds avec l'intention de faire de la sorcellerie, en fait, il dit que le sorcier, il arrive uniquement à faire sa sorcellerie parce qu'il demande l'aide des shayatines, des diables, et il cherche l'aide des shayatines, et celui qui cherche l'aide des shayatines, il a fait le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est interdit de chercher l'aide des shayatines, et c'est shirk de faire ça. Le shaykh il dit « وَقَوْلُهُ مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ » أي « مَنْ اَعْتَقَدَ فِي شَيْءٍ مِنْ دُونِ اللَّهِ » أنه ينفع أو يضر وكله الله إلى ذلك الشيء, فمن اعتقد في السحرة والكهان والمشعوذين والمنجمين والأموات والأولياء أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله وكل إليهم عقوبة له, وتخلى الله سبحانه وتعالى عنه ووكل إلى هؤلاء الذين لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا, وتنقطع صلته بالله الذي بيده الخير والذي يرحم عباده ويرزقهم ويكله الله إلى هذه المخلوقات الضعيفة, لأنه اعتمد عليها وتوكل عليها وخاف منها ورجاها فيوكل إليها. Donc le cheikh il dit que la dernière partie du hadith ça dit quoi? Ça dit celui qui s'accroche ou qui s'accroche à quelque chose en dehors d'Allah, il sera laissé à cette chose, ou il sera, disons, abandonné à cette chose. Donc ça veut dire que celui qui croit en quelque chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ça peut le profiter ou que ça peut le nuire, alors Allah subhanahu wa ta'ala va l'abandonner et va le laisser à cette chose. Donc celui qui croit aux sorciers, aux devins, aux charlatans, hein, les gens qui font de la magie et des trucs de ce genre, et qui croit aux astrologues, et qui prie les morts, qui croit aux morts, et aux, quand il y en a qui pensent que les morts ont un esprit qui flotte dans les airs comme ça, puis qu'ils peuvent les appeler puis leur demander des choses. Hein, il y a beaucoup de gens comme ça. Il y a, je prie l'esprit de mon grand-père ou l'esprit de je sais pas qui. Ils pensent que c'est les esprits des morts qui reviennent et ils pensent que c'est des fantômes. Mais ça c'est faux. Il n'y a pas de fantômes. Il n'y a pas d'esprits qui reviennent. C'est comme les maisons hantées ou ces choses-là, ça n'existe pas. Parce que les âmes, une fois que les hommes meurent, les âmes sont prises par les anges et elles attendent leur jugement, hein, dans leur tombe. Elles peuvent pas aller commencer à se promener à gauche, à droite, aller chez les gens, des choses comme ça. Ça, c'est les djinns qui font ça. C'est les djinns qui font ces choses-là, qui jouent des tours aux gens et qui parfois même se font passer pour les personnes mortes que ces gens-là cherchent. Donc, ça c'est une chose importante à comprendre. Ceux qui croient à ces choses-là, qui croient au mort, ou qui croient aux saints, hein, et qu'ils peuvent, ils croient que ces saints-là peuvent leur profiter ou leur nuire en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces gens-là sont abandonnés à ces êtres-là. Et ça c'est une punition pour eux, du fait qu'ils n'ont pas mis leur confiance à Allah et qu'ils ne se sont pas accrochés à la foi en Allah seul. Donc, lorsque quelqu'un s'est accroché à autre que Allah, il a abandonné Allah subhanahu wa ta'ala, Allah l'abandonne et il le laisse à ce à quoi il s'est accroché, hein, qui ne possède rien pour lui profiter ou pour lui nuire, ni qui ne possède pas non plus le pouvoir de faire vivre ou de faire mourir ou de faire ressusciter les morts. Donc, sa relation et son lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, celui entre les mains de qui il y a tout le bien est coupé. Hein? Celui qui est miséricordieux envers ses serviteurs et qui leur donne leur risque, Allah subhanahu wa ta'ala les abandonne à ces créatures faibles auxquelles ils se sont accrochés, hein, parce qu'ils se sont, ils ont dépendu, disons, ils ont mis leur confiance sur ces créatures-là et ils ont mis leur dépendance sur ces créatures-là et ils ont craint ces créatures et ils ont mis leur espoir en elles, donc ils sont abandonnés à ces créatures. Le cheikh il dit: فَمَنْ ذَهَبَ إِلَى مُشَعْوِذْ يُرِيدُ مِنْهُ الْعِلَاجِ وَالشِّفَاءِ مِنَ الْمَرَضِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَمَنْ سَأَلَ كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا عَنْ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ إِذَا اعْتَمَدَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَتَعَلَّقَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وخاف الله ورجاه فإن الله يتولى أمره كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالذي يتوكل على الله ويؤمن بالله ويعتمد على الله فإن الله يكفيه ويصونه من شر عباده. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده. فمن توكل على الله كفاه ومن توكل على غير الله وكله الله إلى ضعيف عاجز لا يغني عنه شيء من الله شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما في الدنيا فيكله الله إلى هؤلاء الذين يضلونه ويفسدون عقيدته ويوهمونه ويتسلطون عليه حتى يعيش عيشة القلق والأوهام والضعف والخور. Le chef il dit ici que celui qui va voir un sorcier, un charlatan, des trucs comme ça, et il veut la guérison de sa part ou il veut un traitement pour une maladie, Allah subhanahu wa ta'ala l'abandonne à cette personne. Et celui qui demande à un médium ou à un voyant ou à un devin quelque chose, parmi les choses de le rêve ou des choses comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala va l'abandonner à cette chose-là et à cette personne. Et celui qui a mis sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et qui s'accroche à Allah subhanahu wa ta'ala et qui craint Allah et qui met son espoir en lui, et qui espère en Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va s'occuper de lui, il va s'occuper de ses affaires et de ses problèmes, il va les régler pour lui. Ça c'est mentionné dans Surat al-Talaq, le verset 3, quiconque met sa confiance en Allah, alors Allah lui suffit, et Allah subhanahu wa ta'ala certes va faire atteindre, va faire arriver ses affaires, et Allah subhanahu wa ta'ala, il a bien entendu le pouvoir sur toutes choses, ou bien il a mis toutes choses selon une mesure bien précise. Et il dit, celui qui met sa confiance en Allah, et qui croit en Allah, et qui dépend en Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui suffit, et Allah va le protéger du mal de tous ses serviteurs. Et il dit, أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ. Ça c'est dans Surat al-Zumar, le verset 36. C'est une question qu'Allah subhanahu wa ta'ala pose en fait. أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ. Mais Allah ne suffit-il pas à son serviteur? Allah n'est-il pas suffisant pour son serviteur? Hein? Donc c'est une question en fait pour dire que certes, yani, Allah suffit à son serviteur. Et donc le cheikh il dit que quiconque met sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Celui qui met sa confiance en autre qu'Allah, comme en un être faible et impuissant qui ne peut rien faire pour lui, contre Allah subhanahu wa ta'ala, ni dans le dunya et ni dans l'akhira, au même temps qu'à l'arrêt il est là. Donc, celui qui met sa confiance en autre qu'Allah, un être faible et impuissant, et Allah subhanahu wa ta'ala l'abandonne à cet être faible et impuissant, et il ne pourra rien faire pour lui, ni dans la dunya, ni dans l'akhira. Et après il dit, mais celui qui, dans la dunya, أما في الدنيا فيكله dans l'akhira pourra rien faire pour lui ni dans la dunya. Il dit أما في الدنيا فيكله الله إلى هؤلاء الذين يضلونهم ويفسدون عقيدته. C'est ça, dans la dunya Allah subhanahu wa ta'ala va les laisser, va les abandonner à ceux qui vont les égarer, et il va les laisser à ceux qui corrompent sa croyance et sa conviction en Allah subhanahu wa ta'ala et qui lui font croire des choses fausses. Et ils vont prendre le contrôle sur lui et le dessus sur lui à un tel point que ces gens-là qui cherchent l'aide de ces créatures-là vont commencer à vivre une vie de crainte et de dépression, de faiblesse et aussi de ils vont être, disons, malheureux et ils vont avoir plein de craintes illusoires, des choses comme ça. Des soucis, beaucoup de soucis, des peurs illusoires, des choses comme ça. ولذلك نجد الخرافيين والقبوريين دائما في قلق ودائما في خوف دائما في ذل لأنهم تعلقوا بغير الله. أما في الآخرة فمعلوم مصيره إن لم يتب. ونجد الموحدين الصادقين في قوة وفي أمن وفي سرور بال وراحة نفس وطمأنينة لأنهم توكلوا على الله. Toutefois le cheikh dit, regardez les gens qui adorent les tombes et les gens qui croient à toutes les faussetés, les mensonges. Ils sont toujours dans la crainte et dans la peur. Ils ne sont jamais en paix avec eux-mêmes. Hein, et ils sont toujours humiliés parce qu'ils se sont soumis à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dans l'akhira, ça c'est dans la dunya. Maintenant dans l'akhira, qu'est-ce qui va leur arriver? C'est que ils vont avoir bien entendu l'enfer s'ils ne se sont pas repentis de qu'est-ce qu'ils ont fait. Après le cheikh il dit, par opposition à ça, on voit que les gens qui ont les tawhid et qui s'éloignent de ces choses-là, et bien on les trouve toujours en force et en sécurité, et ils sont heureux, et ils ont l'esprit en paix, et ils sont en sérénité avec eux-mêmes, ils ont confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, donc on voit que leur état est différent. Et le cheikh il dit, وَمَنْ عَبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ حتى وحده تعالى ومن عبد الله وحده تولى الله أمره في الدنيا والآخرة ونجاه من العذاب وأدخله الجنة ومن عبد الشياطين والمخلوقين والمخلوقين والقبوريين ومن عبد الشياطين والمخلوقين والقبوريين وغير ذلك وكله الله إليهم يوم القيامة يقول تعالى اذهبوا إلى من كنتم تعبدونهم في الدنيا وإذا ذهبوا إليهم تبرأوا منهم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون هذا في الدنيا وفي الآخرة وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ووقت الحاجة ووقت الخطر كفروا بعبادتهم وتبرأوا منهم فيذهبون إلى النار لأنهم لم يعقدوا مع الله صلة تصلهم بالله ولم يعبدوا الله ويوحدوه بل عبدوا غيره أوكي الشيخ سي إكسبليك celui qui a adoré Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala s'occupe de ses affaires, dans la dunya et dans l'akhirah. Et Allah le protège et le sauve du châtiment. Et il le fait rentrer au paradis. Et celui qui adore les shayatins et les créatures, et qui adore les tombes, alors, ou bien d'autres choses en dehors de ça, Allah subhanahu wa ta'ala le laisse à ces créatures-là au le laisse à ces créatures-là au jugement dernier. Allah subhanahu wa ta'ala va leur dire au jugement dernier, allez retrouver les choses que vous adoriez dans le bas-monde. Hein? Allez vers ces êtres que vous preniez comme divinités dans le bas-monde. Et ils retournent vers ces divinités. Et ces divinités, les choses qu'ils adoraient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, vont se désavouer d'eux. Hein? Ils vont dire, comme Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 166 dans Surat al-Baqarah, lorsque ceux qui ont suivi, ceux qui ont été suivis vont se désavouer de ceux qui les ont suivis. Ok? Donc ça veut dire que ce jour-là, entre eux, ils vont se désavouer les uns les autres. Hein? Et le verset dans Surat al-Ahqaf, le verset 5, et qui est plus égaré que celui qui adore, celui qui ne peut pas lui répondre jusqu'au jugement dernier en dehors d'Allah. Hein? Et c'est-à-dire ils sont indifférents à leurs invocations. C'est-à-dire les mouchriquins, ils adorent leurs idoles, ils adorent les choses qu'ils adorent en dehors d'Allah parmi les awliya ou parmi les tombes, les choses comme ça, et ils croient que ces êtres-là peuvent les exaucer. En réalité, ces êtres-là sont indifférents à leurs invocations et au jugement dernier, ils vont se désavouer d'eux, comme on va voir tout à l'heure, et aussi ils ne vont jamais leur répondre, hein, jusqu'au jugement dernier. Et il dit dans le verset qui suit, et lorsque les hommes seront ressuscités, hein, ils seront des ennemis. Lorsqu'ils seront ressuscités, les hommes, ils vont aller à ces êtres qu'ils adorent dans Allah, et bien ils seront des ennemis, ils se déclareront ennemis les uns des autres, et ils vont renier l'adoration que ces gens-là leur donnaient. Et donc, au moment où ils en ont le plus besoin, hein, le moment où ils ont plus besoin de support de la part de ce qu'ils adorent, et bien c'est à ce moment-là que ce qu'ils adoraient se désavouent d'eux et de leur adoration, et donc ils vont en enfer à cause de ça, parce qu'ils n'ont pas établi et accroché et affermi leur rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ne l'ont pas adoré lui seul, et ils n'ont pas unifié dans leur aqida et dans leur adoration. Au contraire, ils ont adoré d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le Cheikh Mohammed Abdul Wahhab, il mentionne un autre hadith. Le hadith c'est, an Ibn Mas'ud, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a qal, ala hal unabbi'ukum ma al-adhu, hiya al-namima. قالت بين الناس رواه مسلم donc ça c'est un hadith sahih rapporté par l'imam muslim qui est rapporté selon Ibn Mas'ud radiallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit est-ce que vous voulez que je vous informe au sujet de Al-Udhu et il a répondu c'est un namima hein, c'est-à-dire les choses, une rumeur, des rumeurs que les gens se rapportent les uns les autres, entre les uns. Donc, ça c'est un exemple. Et le cheikh dit, pour expliquer, قال وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العده العده السحر أي ما هو السحر يعني العده سي السحر en fait et là c'est comme si il disait en fait le prophète صلى الله عليه وسلم voulez-vous que je vous informe sur au sujet du qu'est-ce que c'est السحر ok donc il appelle النميمة l'appelle et al-sihr et al-adhu c'est la même chose, d'accord donc le cheikh dit wa hadha fihi at-ta'lim bi tariqati as-su'al wal-jawab li anna dhalika awqa'u fi an-nafs idha sara shay'an muhimman wa khatiran fa innahu yulqa 'ala an-nas bi tariqi as-su'al min ajli an yunabbihu ay an yunabbihu ثم قال صلى الله عليه وسلم في الجواب هي النميمة هذا لبيان خطر النميمة كأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر السحر فيها تحذيرا منها ولماذا صارت النميمة بهذه الخطورة لأن النميمة تعمل وعمل السحر فتفرق بين الناس كما يفرق بينهم السحر بل هي أشد كما قال بعضهم يفسد النمام في ساعة ما يفسده الساحر في سنة فالنميمة أشد تأثيرا من السحر لأنها تفرق بين المسلمين والسحر إنما يؤثر في من وقع عليه لشيخ دي qu'on apprend dans ce hadith une méthode que le prophète صلى الله عليه وسلم utilisait pour enseigner et c'est la méthode de c'est-à-dire de poser des questions, de questions et réponses. C'est ça la méthode, questions et réponses. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam pose une question dans le but de prendre l'attention de ses compagnons et par la suite il leur explique et il leur donne la réponse. Après il dit la réponse que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée c'est que Al-Adhu c'est An-Namima. Donc Al-Sihr c'est An-Namima. Donc c'est pour dire que ça fait partie disons d'une catégorie ou d'une forme de le sihr. Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça de cette façon-là, c'est comme pour montrer le danger et pour avertir contre ce péché-là, An-Namima. Et le cheikh dit pourquoi on appelle An-Namima, ou pourquoi An-Namima a atteint un danger si grand, c'est-à-dire pourquoi il est arrivé à un niveau si grand de danger. Et le cheikh il explique et il dit parce que An-Namima elle agit de la même manière à peu près que la sorcellerie, dans le sens qu'on voit, on la voit pas venir. Hein. Les rumeurs qui circulent et tout, hein, on les voit pas agir, mais ça agit en sourdine, hein, puis yani, les effets sont dévastateurs et rapides. Hein. Le chef il dit que c'est même parfois plus grave, les effets de An-Namima, c'est plus grave parfois que la sorcellerie elle-même, parce que certaines personnes disent que ce que la personne qui transmet des fausses rumeurs peut faire de désordre en une heure, c'est équivalent à ce qu'un sorcier peut faire en un an. Donc ça veut dire que des fois ça peut causer encore plus de tort, les rumeurs, les fausses rumeurs que la sorcellerie elle-même. Et imaginez, ça c'est des choses vraiment graves. Hein, et le cheikh il va donner des exemples. Il dit donc, ça divise entre les musulmans et ça peut faire des effets vraiment graves, des effets vraiment dévastateurs qui sont parfois plus graves que les effets de la magie. Parce que la magie ça affecte uniquement la personne sur qui elle est tombée. Après le cheikh il dit que An-Namima, il dit An-Namima ma'naha naql al-hadith bayn an-nas ala wajh al-wishaya wal-ifsad yadhhabu ila shakhs fa yaqulu lahu inna fulanan yasubbuk wa yatanaqqasuk wa yaqulu fika kayt wa kayt thumma yaghdab hadha ash-shakhs ala fulan thumma yadhhabu ila ath-thani ويقول إن فلانا يقول فيك كذا وكذا ويسبك ويتنقصك فيغضب على هذا على هذا وهذا على هذا ف ثم تقوم القطيعة بين الوالد وولده وبين الأخ وأخيه وبين المسلم وأخيه المسلم حتى ربما تقوم الحروب الطاحنة بين الناس بسبب النميمة. والنميمة من الكبائر، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن النميمة من أسباب عذاب القبر، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، فدل على أن النميمة تسبب عذاب القبر. وفي الحديث الصحيح لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية لا يدخل الجنة قتات، والنمام ليس له حكم الساحر، والنمام ليس له حكم الساحر فلا يكفر كما يكفر الساحر، وإنما النميمة محرمة كما يحرم السحر، إلا أن السحر كفر والنميمة فسق. Le Cheikh explique ici que An-Namima, c'est le fait de transmettre des paroles entre les gens dans le but de créer du désordre entre eux. Et donc, une personne va voir quelqu'un puis il lui dit « Celui-là, il parle contre toi et il t'insulte et il te dit telle chose et il te diminue et il dit telle ou telle ou telle chose. » Donc, cette personne se fâche, hein, elle se met en colère. Et après, il va voir l'autre personne et il lui dit un tel, il t'insulte et il parle contre toi et il dit telle et telle et telle chose. Hein. Et donc, qu'est-ce qui arrive par la suite? L'autre, il se fâche aussi. Et donc, ça commence la colère et la haine entre les deux et ils ne se parlent plus. Et parfois, ça peut même pousser un père à couper les liens avec son fils ou un frère avec son frère ou un musulman avec un autre musulman jusqu'à ce que parfois même, ça cause des guerres entre les gens à cause de ça. Donc ça c'est un exemple d'une chose très mauvaise. Hein. Et ça c'est le contraire de qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il ordonne dans le Coran. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit c'est bien de mentir pour faire la réconciliation entre deux personnes. Hein. Donc quelqu'un par exemple qui va voir une personne qui sait que quelqu'un est en colère avec lui, il va le voir, il va lui dire telle personne, il a dit telle chose de bien de toi, et là, l'autre, il va voir l'autre, et il lui dit, il va voir l'autre, et il dit telle chose de toi, et une chose de bien, même si c'est pas vrai, dans le but de les réconcilier, hein, pour faire al-islah. Tandis que al-nammam, c'est le contraire. Al-nammam, il va voir les gens pour les diviser, pour faire des problèmes entre eux. Après, le cheikh explique que al-namima, ça fait partie des grands parmi les grands péchés, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ça faisait partie des causes pour le châtiment de la tombe. Comme ça a été rapporté dans un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait près de deux tombes et qu'il a vu deux tombes, donc il a dit ces deux-là sont châtiés et ils ne sont pas châtiés pour quelque chose de grand. Et oui, en fait c'est grand. Et après il a dit un des deux amma innahu kabir. Après, il a dit, un des deux, il transportait les namimas, les rumeurs entre les gens, et l'autre, il ne se protégeait pas contre son urine lorsqu'il urinait. Et donc, ça, c'est les causes des deux choses mentionnées à ce sujet-là. Et après, il dit, فَدَلَّ عَلَى أَنَّ النَّمِيمَ تُسَبِّبُ عَذَابَ الْقَبْرِ. Donc, ça, c'est une preuve que النَّمِيمَ cause, ou peut être une cause dans le châtiment de la tombe. Après il a dit, et le hadith il est sahih. Et dans un autre hadith, qui est sahih aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait un namam, celui qui est un namam, c'est-à-dire qui fait un namima, il n'entre pas au paradis. Et dans une autre narration, celui qui, le qattat, c'est la même chose. Qattat c'est namam, la même chose. Celui qui répand les mauvaises choses, les rumeurs comme ça, on l'appelle aussi qattat. Et il dit que celui-là, il n'entre pas au paradis. Ça c'est dans le hadith. Et ça c'est une menace sérieuse et sévère. Et après, le cheikh il dit que An-Namam, il n'a pas le même verdict que le verdict qu'on donne à propos du sorcier. Il n'a pas rejeté la foi, il n'est pas kafir comme le sorcier. Toutefois, Et al-namima, c'est quelque chose qui est haram, mais c'est un péché. Hein? C'est interdit comme le sihr, mais c'est pas le même verdict que le sihr, parce que le sihr c'est kufr, tandis que al-namima c'est pas kufr, c'est un péché. Yani. Et le dernier hadith dans ce chapitre, on va terminer avec ça, inshallah, c'est le hadith qui dit ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. C'est un hadith rapporté qui est dans Al-Bukhari et qui est sahih et qui est rapporté également peut-être même par non c'est par Abdullah ibn Omar, selon Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il y a certaines paroles, certaines expressions ou explications qui sont tellement bien qu'elles sont comme de la magie dans leurs effets. Hein, elles ont des effets enchanteurs. Hein. Donc, le cheikh explique ça, il dit lahuma, c'est-à-dire rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Ibn Omar, radiallahu anhuma, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرة البيان هو البلاغة والفصاحة لأن الناس يصغون إلى المتكلم إذا كان فصيحا في كلامه وبليغا في منطقه بخلاف من ما إذا كان ثرثارا فإنهم لا يصغون إلى كلامه ويستكسلونه ويملون من سماعه فإن استعمل هذه القوة البيانية في الخير والدفاع عن الحق والرد على الباطل فهو مأجور أما إن استعملها بضد ذلك فاستعملها في نصرة الباطل وهدم الحق فهو آثم وهو وهذا هو المذموم. Le sheikh explique dans ce hadith que c'est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il y a des paroles et des explications qui sont comme de la magie. C'est-à-dire, al-bayan, ça veut dire la rhétorique et aussi yani, l'éloquence d'une personne, ça peut être quelque chose qui a un effet sur les gens. Lorsque les gens entendent cette façon de s'exprimer, hein, quand la personne est très éloquente dans sa façon de parler, eh ben, ça a un effet sur eux. Et donc, ils vont prêter l'oreille et ils vont écouter sa parole. Tandis que si la personne a de la difficulté à s'exprimer et que sa façon de parler est lourde et tout, eh ben, les gens vont pas être aussi motivés à l'écouter, puis parfois même, ils vont peut-être être ennuyés de l'entendre. Et s'il utilise la force qu'il a pour clarifier et montrer la vérité, dans ce cas-là, c'est quelque chose de bien. S'il utilise cette force qu'il a pour clarifier la vérité et défendre la vérité, dans ce cas-là, alhamdoulilah, c'est un bien, surtout s'il réfute la fausseté et le mensonge, donc il est récompensé pour ça. Toutefois, s'il l'utilise dans le contraire, s'il l'utilise pour montrer et défendre le mensonge et pour détruire pour essayer de détruire la vérité, dans ce cas-là, il est dans le péché et il est blâmé de faire une chose pareille. Cheikh dit, wa nabi sallallahu alayhi wa sallam, lam yazun al-bayan mutlaqan wa innama zamma البيان الذي يعني يقلب الحق باطلا والباطل حقا فإن البليغ الفصيح يستطيع بأسلوبه أن يزين للناس الباطل وأن يزوره بكلامه حتى يظنوه صحيحا ويستطيع أن يؤثر على الحق حتى يخيل إلى الناس أنه باطل فالواجب على المسلم إذا أعطاه الله مقدرة في الكلام والمحاورة أن يستعمل هذا في طاعة الله عز وجل وفي الدعوة إلى الخير وترغيب الناس في الخير وتنفيرهم من الشر أما إن استعمله أن يستعمله بضد ذلك بأن يستعمله بالكلام في أعراض العلماء الربانيين وتبديعهم وتجهيلهم فهذا من السحر أو يستعمله في تزيين الشرك وعبادة القبور وتزيين البدع والخرافات والمحدثات فهذا من السحر لأن السحر يقلب الحق باطلا والباطل حقا كذلك البليغ الذي يستعمل فصاحته في الدعوة إلى الشر. Le cheikh qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas blâmé le bayan, qu'est-ce qu'on dit, le bayan, quand il dit, inna min al bayan ila sihra, il ne fait pas, en fait, c'est pas, le but c'est pas de, de blâmer ou de critiquer toute forme d'éloquence et de clarification, en fait. C'est pour expliquer que, en fait, si on utilise cette façon de parler et d'expliquer les choses pour transformer ou pour montrer la fausseté comme si elle était vraie et montrer la vérité comme si elle était fausse, hein, dans ce cas-là, ça, c'est quelque chose de mauvais, comme on l'a expliqué, parce que une personne, lorsqu'elle est très très éloquente et qu'elle s'exprime très très bien, elle peut même arriver à embellir le mensonge pour les gens et leur faire croire que c'est vrai. Et des fois, quand elle s'exprime bien aussi, elle peut faire le contraire, c'est-à-dire montrer que qu'est-ce qui est vrai, c'est faux. Hein, c'est-à-dire qu'elle l'embellit tellement, elle montre tellement la vérité dans un visage négatif et mauvais qu'elle fait croire aux gens que c'est quelque chose de faux. Hein. Donc c'est ça, c'est ce qu'on voit actuellement aujourd'hui. Les gens qui, avec les médias, avec d'autres moyens aussi, ils arrivent à parler d'une façon pour faire voir aux gens que la vérité c'est le faux et que le faux c'est la vérité. Et ils sont rusés en fait, ils sont très rusés dans leur méthode. Et c'est très dommage parfois, mais bon. Et il y en a qui sont maîtres dans l'art de ça. Il y en a qui étudient, ils étudient ça, comment faire ça, comment embellir le faux et comment aller dire la vérité pour manipuler les gens et leurs opinions et les contrôler en fait, indirectement. Donc ça c'est quelque chose de très dangereux. Ben, les avocats c'est un peu de ça, les politiciens aussi c'est un peu de ça, c'est-à-dire parfois aussi une méthode qu'ils utilisent c'est, ils vont pas dire quelque chose de faux mais ils vont pas dire la vérité non plus, hein. C'est-à-dire ils vont cacher des parties de la vérité pour que les gens justement à cause du fait qu'ils savent pas toute l'information au complet vont avoir une fausse compréhension et donc il va les manipuler de cette façon-là. Donc ça c'est un autre exemple. Exact. Comme tu dis, l'art d'avoir raison même quand on a tort. C'est de jouer avec les mots puis de tourner les choses, de tourner les phrases, hein, de jouer avec. Il y en a qui sont maîtres à ça. Hein. Même parmi les soi-disant du'at à l'islam, hein. Ouais, puis en tout cas, bientôt on en verra d'autres. Allah le Musta'an. Donc c'est juste que les gens doivent faire attention à ces catégories-là. Doivent faire attention à ces catégories de personnes qui parlent de cette façon-là et qui sont très habiles avec leur langue et qui parlent très très très bien, ils s'expriment très bien. Parce que ça peut être comme de la magie, ça peut ensorceler les gens. Et ça peut les faire tomber facilement. Et si quelqu'un n'a pas de connaissances suffisantes et de compréhension suffisante, il va se laisser facilement embobiner par ces gens-là. Et donc, il faut faire attention. Le cheikh, il dit donc, qu'est-ce qui est obligatoire pour un musulman? C'est de, le musulman, c'est-à-dire qu'Allah lui a donné une capacité de s'exprimer et de débattre, etc., d'utiliser ça dans l'obéissance d'Allah et dans l'appel à la vérité pour que les gens aiment le bien et pour les éloigner de ce qui est mauvais. Mais celui qui l'utilise dans le contraire de ça, eh ben, il y en a comme par exemple, il parle contre les ulama rabbaniyin et il les déclare comme étant des gens bid'ah ou qu'il les déclare comme étant des gens ignorants, alors ça fait partie de ce qu'on appelle as-sihr. De cette façon-là, yani, dans le sens que c'est comme une forme d'envoûtement ou d'enchantement qu'ils utilisent pour tromper les gens et les égarer. Hein. Donc surtout qu'il y en a qui utilisent des formules, des façons de parler, vraiment, Allah Musta'an. Et il faut absolument que je dise que parmi ces gens-là, j'ai pas trouvé en français, parmi ceux qui parlent parmi les gens qui sont des orateurs qui parlent de l'islam, j'ai pas trouvé de gens qui rentrent plus dans cette catégorie-là que Tariq Ramadan. C'est un maître de la parole, il n'y a pas de doute qu'il s'exprime, vraiment bien, mais le problème c'est que, à cause de la façon dont il s'exprime, il égare beaucoup de monde. Hein. Et qu'est-ce qui est dommage avec les musulmans à ce sujet-là, c'est que lorsque un musulman va s'exprimer devant les médias ou parle devant les médias, il n'écoute même pas le fond de ce qu'il dit en réalité sur le plan islamique. Est-ce que ça tient par rapport au texte du Coran et de la Sunna, par rapport au fondement de l'Aqida, par rapport au manhaj? Il ne regarde pas ça du tout. Il ne faut que regarder est-ce que ça se tient sur le plan occidental et sur les principes occidentaux, et est-ce que ça sonne bien aux oreilles et est-ce que ça plaît à l'auditoire, l'esthétique, c'est ça. Donc, ce qui est dommage, c'est ça. Et si certains musulmans trouvent quelqu'un qui s'exprime très bien dans les médias mais qui dit toutes des bêtises et qui, sur le plan de la charia et de l'islam, c'est complètement faux ce qu'il dit, mais juste parce que c'est bien dit et que ça plaît, ils vont applaudir ses paroles et ils vont l'accepter. Parce que ça dérange personne. Mais du moment où quelqu'un va dire la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et clarifier l'islam tel quel, même si, yani, ça déplaît aux gens, c'est-à-dire même si c'est la vérité que cette personne a dit et que c'est la clarification, hein, de ce qui est écrit dans le Coran et dans la Sunna, mais ça dérange ou ça déplaît à l'opinion publique, soi-disant, ou que ça passe mal parce que, disons, c'est contraire aux principes occidentaux et à la mentalité de qu'est-ce que les kuffars aiment. Alors là, tout à coup, c'est quelque chose qui donne une mauvaise image à la soi-disant communauté musulmane et aux musulmans. Donc, ça c'est un exemple. Et ça c'est très grave en réalité. Donc le cheikh dit « أَوْ يَسْتَعْمِلْ فِي تَزْيِينِ الشِّرْكِ وَعِبَادَةِ الْقُبُورِ وَتَزْيِينِ الْبِدْعِ وَالْخُرَافَاتِ وَالْمُحْدَثَاتِ فَهَذَا مِنَ السِّحْرِ لأن السحر يقلب الحق باطلا والباطل حقا وكذلك البليغ الذي يستعمل فصاحته في الدعوة إلى الشر. Donc celui qui utilise ça pour embellir le shirk, l'adoration des tombes, l'embellissement des innovations et des khurafats et des inventions dans la religion, tout ça c'est le sihr, ça rentre dans le sihr. Bien entendu, yani, s'il appelle au shirk en utilisant ça, bien entendu ça rentre dans le shirk. Mais bien entendu, si c'est pas pour appeler au shirk, si c'est pour appeler à des péchés, en ce cas-là, ce sera péché. Comme le cheikh dit, comme quelqu'un qui utilise son éloquence pour déformer la vérité, changer le vrai en faux et le faux en vrai, et pour appeler à qu'est-ce qui est mauvais. Et également, le cheikh dit وَضَلَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ إِلَّا وَمَا ضَلَّ من الناس أو ما ضل كثير من الناس إلا بسبب الدعاة البلغاء المنحرفين إما في الإذاعات وإما في الصحف وإما فوق المنابر وإما في مدرجات الجامعات إذا تكلموا استمالوا الحاضرين وملأوا أدمغتهم بكلام مزور حتى يخرجوا أو حتى يخرجوا وهم يبغضون الحق ويحبون الباطل والعياذ بالله فهذا خطر عظيم. Donc il dit que la plupart des gens aujourd'hui sont égarés, ils ne se sont égarés que à cause de ce genre de personnes qui invitent les gens avec leur style éloquent, hein, parmi les égarés, soit à la radio, à la télévision, dans les journaux, sur les manabirs, le minbar, à la mosquée, dans les mosquées, ou dans les universités, des trucs comme ça, hein, ils arrivent à attirer les gens par leur méthode et par leur façon de parler, et lorsque les gens les écoutent, ils sont capables même de rentrer dans leur tête et aller dans le sens qu'ils les influencent avec leurs paroles, et ils leur font aimer la vérité, le mensonge et détester la vérité, et ça c'est un grand danger. Et ma yustafadu min hadhihi al-hadith. Yani, j'écoutais une parole en passant justement à ce sujet-là, par exemple. J'écoutais Tariq Ramadan et il disait, il y en a qui parlent de tolérance. Il dit non, nous on n'appelle pas la tolérance. La tolérance, ça veut dire tu souffres la présence de quelqu'un. Non, nous c'est le respect. Hein, tu respectes le chrétien parce qu'il a le droit. C'est son droit absolu d'être un chrétien. Il est chrétien parce que Dieu l'a voulu. Il y a des paroles comme ça. Hein. Donc, la façon dont il parle et la façon dont il utilise le ton, puis comment il parle, donc ça, quand quelqu'un va entendre ça, il va peut-être être trompé. Hein. Il a juste la façon de le dire. Hein. Non seulement il faut le tolérer, en plus il faut le respecter. Hein. Et c'est Dieu qui a voulu. Ça c'est très grave, yani, de dire ces choses-là. De toute façon, vous allez les entendre bientôt, Inch'Allah, les trucs, parce que j'ai commencé déjà à les préparer. Donc, d'ici peut-être la semaine prochaine, Inch'Allah, ça va être prêt. Et le chef, il mentionne différents petits points qu'on peut retrouver dans qu'est-ce qu'on a lu dans ce chapitre-là, pour résumer. Mais étant donné qu'on les a vus, donc ça vaut pas la peine de les répéter. Puis pour terminer plus tôt, parce que déjà on est rendu à 1h30. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Demain, on commence le chapitre 26, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليه.